Laisse donc un peu les filles. Allez, où est-ce que... Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Petit Pékin, oh oui, viens avec moi. Attends, ce ne vaut pas. Salut, c'est Eric. Bienvenue pour cette émission Journey 2 à Z en streaming sur Facebook Live. Bienvenue pour cette dernière émission de l'année 2020. Petite récapitulation, j'ai pu vous présenter 54 émissions de Journey 2 à Z, dont 30 en mode confiné, dont cette dernière également, hein, qui pour terminer cette année maudite sera toujours sous le signe d'hommage à Johnny Hallyday avec les vieilles canailles et des images de Nîmes du 26 juin 2017. Ainsi que de Bordeaux du 1er juillet 2017. Et en seconde partie d'émission, je vous diffuserai l'intégralité de la série Johnny Covers, l'histoire des versions originales reprises par Johnny, une série que je vous propose depuis le mois de septembre 2020. 8 sont déjà en ligne et ce soir, en exclusivité, parce que c'est vous, je vous diffuserai le tout dernier épisode sur le titre Gabriel. Bonne soirée et bonne émission à toutes et à tous. Voici Johnny et les vieilles canailles. nous voulons faire arriver la place de la ville qui vont s'écarter comme une vent souffle au chaud. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai appris la vie, à cause d'amour, un jour extra, à mon cul, je suis dans ta maison. J'ai pas peur des petits billets qui mangeront au drugstore. Avec leurs mains et avec leurs pieds. Moi, je suis heureux, pas du tout, mais pas du tout. Moi, j'ai appelé ma fille, un piège tabou, un jeu joli sale, qui fait craque au mur, une fille en son amour. Par les costauds, le Superman de bébé, au calme de la tête. On est là sur un sourire coquet, en arrière de la ville sexe, on chère. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Piège tabou, un joujou extra qui fait pas bomber, mais les filles en tombent avec nous. Hey. Il y a les drogués, les fous, ceux qui disent et ceux qui savent parler. Au mannequin, c'est Katrina et ceux qui se marient à la madeleine. Je n'en veux plus de ma vie. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez la lèvre, je sais que nous sommes à Bordeaux, c'est pas ce qui compte. Non, mais quand vous pensez à la lèvre, vous pensez à la bière ou pas, non? Eh bien non, nous sommes enfants, c'est la lèvre, c'est la liberté, égalité et fraternité. Enfin, en principe. Oui, d'accord, merci de vous en prie, je passerai parmi vous plus tard, la roue tourne. Bon, alors donc, elle, c'est la liberté, on est par là, enfin, on l'a à peu près, c'est pas tout à fait sûr. Enfin, pouvez-vous comparer votre voisin ou votre voisine? L'égalité, nous ne l'aurons jamais, ça c'est sûr, je n'y pense pas. Et la fraternité, par contre, nous l'avons. Là, ce soir, ici et là. Voilà. Ça c'est sûr. Messieurs, après ce discours très intéressant, je vous laisse chanter tous les deux. Mais le bar n'est pas ouvert. Et j'ai la clé du bar, je vais droit au bar. Merci, monsieur. Quand on le jette, s'en foutent dans les maux de tête. Faut pas que je pleure pour que tu me regrettes. Quand tes sentiments, je suis pas pire qu'avant, salvable. Te presse pas, tu as tout le temps. Mon miroir, c'est bien des éléphants. Excuse-moi, partir de ta terreur. fête faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser. Car cette jolie fille moi, ce qui compte, c'est que moi, j'en ai un gros défaut. Ah oui, mais vous allez voir ce que c'est. Je suis, j'adore rendre les gens jaloux, plutôt jalouse. Vous, non? Moi, oui, vous me comprenez pas bien. Alors, je vais faire un exemple. C'est bien parce que c'est lui, hein. Sinon, ça s'arrête là, ne vous inquiétez pas. Bon, on va voir si vous chantez aussi bien que l'année dernière. J'aimerais, avant de continuer, j'aimerais rendre un hommage ce soir tous à celle qui nous manque, qui va nous manquer, qui va nous manquer énormément, Simone Veil. Oui. Et on lui dédie cette chanson. Tellement de bruit, quelque chose de Tennessee. Très beau. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli. Avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous s'était senti à lui. Quelque chose de Simone Veil. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Un sentiment comme une envie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de fait. Il y a quelque chose en nous de fait. y a quelque chose en nous deux. Tennessee. C'est bien, mais ça peut être mieux. Oui, mais ça peut être mieux, tu as raison. Ça peut être mieux. Car il y a quelque chose en nous deux. Tennessee. Tennessee. Cette chanson. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire les filles Adot? Adot, ben oui. Non, à l'époque, pas... ouais. Ben, je crois savoir. Je crois que la génération avant la nôtre, quand une jeune fille épousait un jeune garçon, hein, bien, la famille de la jeune fille donnait une dot, c'est-à-dire donnait une bourse avec de l'argent pour que le couple puisse s'installer dans la vie. Voilà, ça s'appelait une dot. Ah. Bah moi, ça m'est... moi, tu vois, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Ah, bah, moi non plus. Hein. J'aime les filles. Alors, j'aime les filles. À papa, j'aime les filles. De l'autre Corbouillon. Bon, écoute, tu n'as qu'à dire de l'autre Angeles par rapport à elle. Ah, d'accord. Ah, j'aime les filles de l'autre Angeles. J'aime les filles sans papa. J'aime les filles de Bordeaux. J'aime les filles de Saint-Tropez. J'aime les filles qui font la grève. J'aime les filles qui vont camper. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. J'aime les filles de La Rochelle. J'aime les filles. J'aime les filles à Télé-Trail. J'aime les filles qui font marrer. J'aime les filles qui sont là ce soir. J'aime les filles qui ont des châteaux remportés par les anges. J'aime les filles dans leur âme. Téléphonez-les. Si vous êtes comme si, téléphonez-lui. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-lui. Thank you. Lisbon Blues. Cette histoire. Lorsqu'on s'est connus... Tu ne vas pas encore raconter cette vieille histoire. Si. Dont tout le monde se fout. Si. Ton public l'ignorait peut-être. Alors. Je t'ai invité à une surprise party. J'étais très jeune. Et j'avais amené donc des disques. Et à la fin de cette surprise party, je cherche à récupérer mes disques et rien. Je descends de l'immeuble, je vais à la loge de la concierge, et là je vois mon camarade, oui, en train de confier mes disques à la concierge en lui disant « Je repasserai les prendre demain. » C'est joli. Voilà. qu'il oublie de dire, oui, c'est que quand il venait chez moi, bon, vous savez, j'ai été élevé par Lee Hallyday, d'où vient mon nom d'ailleurs, Johnny Hallyday, et ses parents, qui étaient américains, m'envoyaient des partitions de musique de rock'n'roll. Eh bien, monsieur Mitchell Schmoll, pour les intimes, venez chez moi pour me piquer mes partitions. En tout cas, tes disques, bah, écoute, je vais te les rendre ce soir. Quand même. Oui, depuis le temps. Hein. D'abord, il y a Elvis. Il y a Little Richard. À tous les folies. Il y a Monsieur Eddie Cochran. Attends, excuse-moi. Quoi, question ? Je sors mes lunettes, mais je vois clair quand même. Il y a marqué « Ce disque appartient à Françoise Hardy ». Eh bien, écoute, si je les ai pris à toi, à mon avis, c'est que tu as dû piquer à Françoise Hardy. Mais il manque de l'essentiel. Oui, voilà, il manque Monsieur Bebop Alula, Gene Vincent. Bebop Alula. Oui. Elle était maquillée comme une femme ciblée. À la ceinture il fasse. Non, non, elle semblait bien dans sa peau. Ses yeux couleur mentale. Cherchait du regard un spot. Le dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus. Bien sûr, elle ne m'a pas vu. Dans sa mégalo, moi je t'aime trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. Oh, oh, oh. La chanson qui trouvait tous les mots qu'elle y met sans mépriser son cœur. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux incroyable, seul, unique, Greg Slap. Thank you. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru. Par un des fidèles sur ce temps. Ah, mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, avec moi qui s'en fait. Avant de faire le prière du soir, ne faites pas de boogie-woogie avant de faire le prière du soir. C'est moi l'amour de venir de chez moi, que le complément entre père et jardin. Pas de boogie-woogie avant de prière du soir. Puis je réclamais le silence afin de sauver les actions. Sur cet visage de l'assistance, j'ai reflété surtout l'adoration. Quand aux obélis du bloc-tu, sachant qu'il n'avait rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le serment du boogie-woogie. Eh bien, chers frères, eh bien, chères sœurs, venez avec moi, tu sens bien. Ah, boogie-woogie, alors va faire vos prières du soir. Faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières de soir. Maintenant, l'amour ne peut plus pécher mon cœur. Quand tu penses que ce sera l'éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières de soir. Je suis mortel, le fond de moi, on trouve un autre homme. rien pour attendre. J'aurais bien te le sens. J'écoute un arbre à fond pour le charbon. J'ai su la page ouverte des canailles. Il y avait toujours ton couvert des canailles. T'as brûlé sur mes tapis. Si t'es trop rougie, viens dans l'île. Présentez ma femme, j'ai les canailles. J'ai présenté ma femme, j'ai les canailles. Je l'ai fait de la matin. J'ai l'embrasse dans les coins. Et que j'avais tourné l'eau. Je le savais. J'ai parti avec elle. Les canailles. Je suis parti avec elle, des canailles. Alors pourquoi la seule, le souvenir en entier, mais loin mon magnéto, le chaleur qui vient, allez, I'm gonna make it. vient de là, vient de Cluj. Je ne chante autant que je l'aime, et je ne chante toujours. Il y a longtemps sur mes guitares, c'est ma voix lui donner le jour. Pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu qui fut l'amour. Oui, la musique est vivante. Thank you. Pour cette deuxième partie de l'émission, je vais vous présenter l'intégralité de tous les épisodes de Johnny Covers, dont en exclusivité le dernier épisode, le numéro 9, sur Gabriel. Aujourd'hui, pour le premier épisode, nous allons parler de la chanson « Loving Arms ». Autrement dit, avec Johnny, j'ai pleuré sur ma guitare. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard. Et je ne sais même pas Loving Arms, c'est une chanson écrite par Tom Jones. Elle a été enregistrée par Chris Christopherson et Rita Coolidge en duo en août 1973, puis publiée sur leur album Full Moon en septembre 1973. Elle a été reprise peu de temps après par Dobby Gray. Puis par un certain nombre d'artistes tels que Elvis Presley, Petula Clark et Johnny Miller. Millie Jackson et Olivia Newton-John reprirent également cette chanson en 1975. Could see me now, the one who said that he'd rather roam, the one who said he'd rather be alone. Loving Arms a été écrit par Tom Jones. Jones a enregistré la chanson lui-même et publié sa version sur son album éponyme en 1974. La version de Dobby Gray a culminé au numéro 61 au Billboard Hot 100 la semaine du 6 octobre 1973. La version de Chris Christopherson et de Rita Coolidge a été libérée en tant que single à la fin de 1973 et est devenue un hit mineur au Billboard Hot 100 au printemps 1974. La chanson est apparue pour la première fois sur leur album duo en 1973 Full Moon. Et la version de Elvis Presley a été enregistrée le 13 décembre 1973 et a été publiée pour la première fois sur son album de 1974 Good Times. En 1975, elle était inclue en face B sur certaines éditions de son single My Boy. Et en 1981, elle est apparue sur l'album posthume de Elvis Presley, Guitar Man. I've been too long in the wind, too long in the rain, take it. Et a été publié en second single de celui-ci avec le titre You Ox To Me en face B. Au Royaume-Uni, la chanson a passé 6 semaines au UK Single Charts, culminant au numéro 47 la semaine du 14 avril 1974. Aux États-Unis, le single figurait sur le palmarès Billboard Hot Country Singles, atteignant un sommet au numéro 8 la semaine du 20 juin 1974. En mars 1977, la chanson est apparue dans un épisode de la saison 2 de la série télévisée Starsky & Hutch, Long Walk Down a Short Dirt Road, lorsque David Soul, en tant que Hutch, l'a interprété avec la star invitée Lynn Anderson. But I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. Au total, la chanson a été reprise plus de 50 fois. D'autres reprises notables incluent celles de Olivia Newton-John, Etta James and the Dixie Chicks. Et évidemment, Johnny a repris cette chanson en français sous le titre « J'ai pleuré sur ma guitare » sur son 17e album « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » sorti en 1974. On retrouvera en live également cette chanson sur le concert du Live 81 et également lors de la tournée Restez Vivant Tour. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouvera prochainement pour un nouvel épisode de Johnny Covers. Sinon, on se retrouve en direct tous les mercredis soirs de 22h à minuit sur la radio RIG 90.7 rigfm.fr. A bientôt, ciao ciao. Nous quand on s'embrasse comme ça, nous quand on se regarde comme ça, nous quand on s'arrête comme ça, nous quand on s'enlace comme ça. La joie fait rage dans nos cœurs, l'amour brûle les hommes, on est ivres de bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler de la chanson High School Confidential de Jerry Lewis. Johnny aura repris ce titre deux fois, en 1961 sous le titre Nous quand on s'embrasse, et en 1975 sur l'album Rock and Memphis, Qu'est-ce que tu fais à l'école ? High School Confidential est une chanson écrite par Ron Hargrave et de Jerry Lewis le 28 janvier 1958. Il s'agit de la chanson du film éponyme, réalisé par Jack Arnold. Film de série B, High School Confidential fut lancé afin de sensibiliser le public aux problèmes de la drogue. Il obtint effectivement un grand succès au moment de sa sortie. Jerry Lewis y joue son propre rôle, juché à l'arrière d'un camion, et interprète ce titre dans les premières minutes du film. Jerry Lewis enregistre la chanson à Sun Records, à Memphis, Tennessee, le 14 février 1958. Il se rend ensuite en Californie, où le réalisateur l'a placé avec le bassiste J.W. Brown et le batteur Russell Smith sur le plateau d'un camion. Et Jerry Lewis chante cette chanson devant une foule de faux lycéens. Au cours de cette session, Jerry Lewis enregistre 14 prises de High School Confidential, mais aucune n'est publiée. Elles le seront officiellement au début des années 80. Il s'agit d'une prise de chez Sun titrée Wild One at the High School Hop au Royaume-Uni en 1982 et 3 prises sur le coffret Jerry Lewis The Sun Years au Royaume-Uni en 1983. La version définitive fut enregistrée le 24 avril 1958 et Jerry Lewis l'enregistre en 3 prises sur un rythme plus lent. La chanson est sortie le 20 mai 1958. Deux morceaux des bandes numéro 3 et 1 forment la face A du single Sun 296, soutenu par le titre Full Like Me, et a atteint la 21e place du Billboard Hot 100, la 5e du classement Country et la 5e place du classement R&B, et est numéro 12 dans les charts pop britanniques. Le single atteint la 13e place des charts canadiens. Le single a également été certifié disque d'or, plus de 500 000 exemplaires. Le morceau est également publié au Royaume-Uni en janvier 1959 et sur le premier album éponyme de Jerry Lewis en 1958. Au cours de sa carrière, Jerry Lewis, quoique pianiste émérite, a relativement composé peu de chansons. Selon certaines sources, Hargrave serait le seul auteur de cette chanson et Jerry Lewis n'aurait signé ce titre que sur l'intervention de son producteur. Toujours est-il que dans l'ouvrage de référence de Peter Guralnick, Feel Like Going Home en 1971, Jerry Lewis se confie librement et se contente de dire « Après World Are Shaking Going On, il y a eu Great Balls of Fire and Breathless, puis j'ai écrit High School Confidential avec l'autre type. » L'autre type n'était autre que Ron Hargrave, qui était un acteur et un auteur-chanteur de rockabilly. Plus de 60 reprises de ce titre. Les Beatles ont joué à enregistrer la chanson en direct avec Paul McCartney au chant lors des sessions de Get Back et Let It Be au studio Twickenham Film le 6 et le 26 janvier 1969. We're bobbing at the high school hop, rocking at the high school hop, moving at the high school hop, bobbing and bobbing at the high school hop, everybody rocking, everybody bobbing, bobbing at the high school. La chanson est également présente dans le biopic de Jerry Lewis, Great Balls of Fire, en 1989. Well, I've been bopping at the high school hop. I've been shaking at the high school hop. I've been rolling at the high school hop. Boogie boogie at the high school hop. Look at everybody hopping, everybody bopping and bopping at the high school hop. Yeah. Adam Faith et Cliff Richard enregistrèrent cette chanson-là en 1958 également. The Refreshments a enregistré la chanson en 2008. La chanson a également été enregistrée par Johnny Wirth, Mike Berry, Marty Wilde, The Blasters, Brian Setzer, Shanana et tant d'autres encore. Bruce Springsteen et The A Street Band ont également interprété cette chanson lors d'un concert à la fin des années 70. Et évidemment, Johnny l'a enregistré deux fois, sous le titre « Nous quand on s'embrasse comme ça » sur l'album « Salut les copains » en 1961 chez Philips, adapté par Gilles Jean. Johnny s'éloigne de sonorité rockabilly de l'original pour se rapprocher d'un white rock costaud, plus contemporain, plus européen même. « Nous quand on s'embrasse comme ça, nous quand on se regarde comme ça, nous quand on se caresse comme ça, nous quand on se lâche comme ça, oui, la joie fait rage dans nos cœurs, la rage pour brûler les heures, on le tibou de bonheur. Ouais » Il reviendra à une inspiration beaucoup plus américaine en 1975 sous le titre « Qu'est-ce que tu fais à l'école ?» sur l'album « Rock and Memphis ». Ce titre sera adapté par Michel Mallory et le killer, The Killer en personne, Jerry Lewis, participera à l'enregistrement de ce titre. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve pour un prochain numéro de Johnny Covers. On se retrouve également tous les mercredis de 22h à minuit pour l'émission Johnny de A à Z sur RIG. A bientôt à toutes et à tous. Ciao ciao! Falling in love was the last thing I had on my mind. Holding you is a warmth that I thought I could never find. Aujourd'hui, je vous présente deux titres du groupe The Babies, Isn't In Time et Every Time I Think Of You, repris par Johnny Hallyday sous les titres respectifs Le cœur comme une montagne et La nuit crie au secours. The Babies, quasi inconnu en France, est un groupe de rock britannique surtout connu pour leurs chansons Isn't In Time et Every Time I Think Of You. La formation originale de Babies était composée du membre fondateur, claviériste, guitariste Michael Corby et pour rejoindre le groupe du chanteur-bassiste John Waite, du batteur Tony Brock et du guitariste Wally Stoker. Isn't It Time, datant de 1977, est sorti sur leur deuxième album Broken Heart. Elle n'a pas été écrite par les membres du groupe mais par le bassiste Jan Conrad avec Ray Kennedy. La chanson a culminé à la 13e position du Billboard Hot 100 mais a atteint la 8e place du top 100 de Cashbox. C'était un hit numéro 1 en Australie en mars 1978. Le co-auteur de la chanson, Ray Kennedy, à qui on doit You Ought to Know By Now, autrement dit Le Survivant pour Johnny Hallyday, a enregistré Isn't It Time pour son album éponyme en 1980. Le guitariste anglais Robin Trower a également enregistré une reprise de Isn't It Time pour son album de 1990, In the Line of Fire. Johnny Hallyday a enregistré une reprise en 1979, Le cœur comme une montagne, adapté par Michel Mallory pour l'album Hollywood. Le second titre des Babies est Every Time I Think Of You, qui a également été écrite par Jan Conrad et Ray Kennedy et qui est sortie en 1979 en tant que premier single du troisième album studio des Babies, Head First. Every Time I Think Of You a été un succès mondial et est monté au sommet du Billboard Hot 100, numéro 13 en avril 1979, et a atteint la 8e place du classement des 100 meilleurs singles de Cashbox. Ce fut leur dernier titre classé en top 20 aux États-Unis. will I stand last? But maybe I was wrong, not knowing how our love should go. Every Time I Think of You a offert aux Babies un succès en Australie, au Canada et aux Pays-Bas, avec des pics respectifs de numéro 6, numéro 8, numéro 11 dans les hit-parades. Ce titre a également atteint le numéro 41 en Nouvelle-Zélande. La reprise de Every Time I Think of You en 2006 par Marco Borsato et Lucy Silvas a été un grand succès en Belgique et aux Pays-Bas, numéro 1 pendant 3 semaines. Lucy Silvas reprit ce succès sur son album The Same Side, diffusé aux Pays-Bas. George Otterm adapta Every Time I Think of You pour Johnny en 1981 sur l'album en pièces détachées sous le titre La Nuit crie au secours. The Babies se sont séparés en 1981 et se sont reformés depuis 2013 avec au chant John Bissara. L'ex-chanteur Tom Waits poursuit sa carrière solo en reprenant en concert ses deux titres. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Johnny Covers. Et comme toujours, on se retrouve tous les mercredis de 22h à minuit pour l'émission Johnny de A à Z sur RIG. A bientôt, ciao ciao! Aujourd'hui, je vous parle de deux titres de Kenny Rogers, grande star de la country music américaine, décédée en mars 2020. Deux belles ballades adaptées pour Johnny Hallyday, Sweet Music Man, Revoilà ma solitude, et I Wish That I Could Hear That Way Again, J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. Cause I won't be there holding hand like I used to. I'm through with you. You're a hell of a singer and a powerful man, but you surround yourself with people who demand so little of you. Sweet Music Man est une chanson écrite et enregistrée par le musicien américain Kenny Rogers. C'est Anne Murray qui est la première à en l'enregistrer sur son album Keeping the Touch en 1976. Kenny Rogers l'intègre sur son album Daytime Friends en juillet 1977. En 1977, sa version atteint la 9e place des charts de musique country publiée par Billboard et la 44e place du Billboard Hot 100. La chanson est un succès, numéro 1 des charts country canadien et contemporain pour adultes, atteignant ses deux sommets la semaine du 31 décembre 1977. Kenny Rogers a utilisé la chanson comme face B de deux de ses derniers singles, Lady en 1980 et You Were a Good Friend en 1983. Nobody. nobody sings a love song quite like you do. Nobody else can make me sing along. Nobody else could make me feel that things are right when they're wrong with a song. Nobody sings a love song quite like you. En octobre 1977, Dolly Parton a inclus la chanson sur son album Here You Come. Sing your song, sweet music, man. Travel the world with a six-piece band that does for you what you tend to. And you try to stay young with the song you sung to so many people have all begun. Reba McEntire a repris la chanson en 2001 sur son album Greatest Hits Volume 3, I'm a Survivor. Sa version est également sortie en single, atteignant le numéro 36 des charts de Music Country. You're still a hell of a singer, but a broken man. But you'll keep on looking for one last band to sing to. Au fil des ans, la chanson a été reprise par de nombreux autres artistes, dont Timmy Wynette, Dottie West, Billy Joe Spears, Waylon Jennings, Millie Jackson, et du côté français, Nana Mouskouri avec une adaptation oubliable de Pierre Delanoë et de Claude Lemel, et évidemment Johnny Hallyday. Encore une fois, ce sera Michel Mallory qui adaptera cette sublime ballade pour Johnny sur l'album Solitude à deux en 1978. Tu vas défaire tes cheveux, rien. Tu vas lui dire les mêmes mots qu'à moi. Vous allez faire l'amour et puis tu seras bien dans ton oubli. Je te dois la solitude, merci. Revoilà ma solitude. Je t'aime encore. I Wish That I Could Hurt That Way Again est une chanson écrite par Curly Putman, Safe Van Hoy et Don Cook et enregistrée pour la première fois par Kenny Rogers, sorti en 1978 sur son album The Gambler, vendu à plus de 35 millions d'exemplaires. Oh, I wish that I could hurt that way again. At least I had you every now and then. And in between sorrow, at least there was tomorrow. And as long as there's tomorrow, there's no end. Oh, I wish that I could hurt that way again. Bien que Rogers ne l'ait pas sorti en single, l'album comprenait deux singles numéro 1. Le titre éponyme de l'album, c'est-à-dire The Gambler, et She Believes in Me. Parmi les nombreuses reprises de ce titre, notons les versions de Kenny Dale en 1981, celle de T. Graham Brown reprise en avril 86 en tant que deuxième single de son album I Tell It Like It Used To Be. Lord, I wish that I could hurt that way again. I'd love to hear you tell me you don't need me anymore. Just like you used to be. Tell me every day. And I'd love to watch you leaving like 100 times before. At least my eyes could see you walk away. La version de Brown a atteint la troisième place du classement Billboard Hot Country Singles and Tracks et la deuxième place des charts country canadiens. Côté Johnny Hallyday, Pierre Billon et Lon Chris s'occuperont de la version française pour l'album Drôle de métier en 1984. Et entre nos déchirures, je regardais mes blessures. Et au moins je savais qu'elle était à bien loin.

Le bluesman Luther Allison, accompagnant le chanteur sur ce titre, faisait une grosse impression en improvisant sur la mélodie. En septembre 1992, la guitare fait mal et la face B du single True to You. En 1992, Philips propose la guitare fait mal en divers formats, compact disque, cassette, vinyle, et cette dernière formule a la particularité d'avoir une face A tournant en 45 tours avec la version live de Toulouse, Johnny avec un début de trachéite, et l'autre face, donc la face B, en 33 tours avec deux titres de Bercy 92, La guitare fait mal et True to You. Sa vie, pour la voir arriver, quand venait la nuit. Il attend la nuit. Et cette femme aussi. Tout ça est normal. Et la guitare fait mal. Oh, oh la guitare fait. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Johnny Covers. Et comme toujours, on se retrouve tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit pour l'émission Johnny de A à Z sur RIG. A bientôt à toutes et à tous. Ciao ciao. La chanson All Time Rock and Roll a été écrite par les auteurs-compositeurs George Jackson et Thomas Earl Jones. En 1976, George Jackson a enregistré la démo originale au Muscle Shoals Studio en Alabama. She take those old records off the shelf and sit and listen to them by herself. She said the music now ain't got much soul. She liked that. Elle a été ensuite été réenregistrée par un jeune chanteur, Dennis Gulley, pour être présentée à Bob Seger. C'est l'une des rares chansons enregistrées par Bob Seger qui n'a pas écrite. Bien que Bob Seger lui aussi ait travaillé sur les paroles, il a choisi de ne pas prendre le crédit, ne pensant pas au succès de ce titre. Il avait dit dans une interview « J'ai réécrit tous les couplets que vous entendez à l'exception des refrains. Je n'ai pas demandé de crédit. » Mon responsable a dit « Vous devriez demander un tiers du crédit. » Et j'ai dit « Non, personne ne va l'aimer. » Je ne suis pas crédité, donc je ne pouvais pas non plus contrôler le droit d'auteur. Pendant ce temps, le titre était utilisé dans une publicité parce que je ne pouvais pas le contrôler. Oh mon Dieu, c'était terrible. Il le regrettera très amèrement. C'était la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. All Time Rock'n'Roll est un ajout tardif aux sessions de l'album Stranger in Town sorti en 1978. Elle a également été publiée en single en mars 1979 et a atteint le numéro 28 aux États-Unis dans le Hot 100 de Billboard dans la semaine du 26 mai. La chanson est donc un succès modeste, mais elle deviendra une chanson phare, même une chanson du siècle qu'après coup. Le film Ricky Business en 1983 a contribué à cela. C'était aussi l'un des moments emblématiques de Tom Cruise. Today's music ain't got the same. et également une caricature de cet extrait dans un épisode de la série Alf. Près de 50 reprises et adaptations. Les 8 notes d'intro sont majoritairement jouées sur les covers, comme celle de Lisa Hartman en 1979. Connie Francis en 1989. Michael Bolton en 2017. Et des variantes comme celle de Ronnie Dove en 1987. Just take those old records off the shelf. I sit and listen to them by myself. Status quo en 2000. Just take those old records off the shelf. I sit and listen to them by myself. Et Chéri Tess en 2009. Just take those old records off the shelf. I sit and listen to them by myself. Des intros de 6-8 secondes et c'est le Johnny fera 13 secondes. Le bon temps du rock'n'roll en est l'adaptation française par Michel Mallory sur l'album Hollywood sorti en 1979. A l'origine, la chanson est repérée par Sylvie Vartan, mais Johnny, devançant son épouse, s'octroie l'adaptation. En 1979, la chanson sort en pleine période disco et Johnny Hallyday, à contre-courant, réaffirme son attachement au rock'n'roll et chante son hostilité à cette mode alors à son apogée. Il y a de ça à peu près 20 ans. Quelques personnes ont dit que le rock'n'roll ne dépasserait pas ou ne passerait pas l'été. C'était en 1959. Si je compte bien, on est en 1979. Et le rock'n'roll est toujours là. Il y a un jour, je ne serai plus là, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais il y aura toujours quelqu'un qui continuera à chanter le rock'n'roll. Parce que le rock'n'roll, le rock'n'roll, il est là. Oui, le rock'n'roll est là. Il est ici pour rester. Rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll. Je veux dans le monde de rock'n'roll. C'est la musique qui nous rapporte. Mais toujours entre nous deux, chacun. Et puis le monde est dans le rock'n'roll. Cette chanson deviendra un classique incontournable lors de ses concerts. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Johnny Covers. Et comme d'habitude, on se retrouve le mercredi de 22h à minuit sur RIG pour l'émission Johnny de A à Z. A bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao. Raymond Louis Ray Kennedy, né le 26 novembre 1946 et mort le 16 février 2014, était un chanteur, autocompositeur, musicien et producteur de disques américain basé à Los Angeles. Ses œuvres couvrent plusieurs genres, notamment le R&B, la pop, le rock, le jazz, la fusion, l'acid rock et la country music. Il a coécrit Sail on Sailor, l'un des tubes de mi-carrière des Beach Boys. Ainsi que deux tubes pour The Babies, Every Time I Think of You. Et Isn't It Time. Durant sa carrière de saxophoniste au début des années 60, il a joué avec Dizzy Gillespie, Gigi Johnson, Buddy Rich et le groupe de jazz Gene Krupa. A joué aussi également avec des chanteurs rock ou country comme Brenda Lee, Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis et Wilson Pickett. Encouragé par son ami Otis Redding, Kennedy se recentre sur le chant et déménage à New York en 1963. Il est signé chez Ahmet Antergun, chez Atlantic Records, enregistrant sous le nom de John Henry. En 1966, il forme un autre groupe nommé Group Therapy et enregistre deux albums, puis s'installe à Los Angeles avec eux en 1968. Le premier album solo de Kennedy, Raymond Louis Kennedy, est sorti en 1970. En 1974, Kennedy apparaît sur la bande originale du film culte de Brian De Palma, Phantom of Paradise, chantant Life at Last et une version de The Phantom Theme. En 1980, Kennedy sort un deuxième album solo éponyme Ray Kennedy. Cet album a présenté le single à succès mineur Just for the Moment, qui deviendrait le seul succès Billboard Hot 100 de Kennedy sous son propre nom. And just for that moment when you're close to me, all love runs free. And just for that moment when I'm holding you, I know you. En plus de cet album solo, Kennedy a passé les décennies suivantes à écrire, enregistrer et tourner avec Sly and the Family Stone, Brian Wilson, Dave Mason, Jeff Beck, Aerosmith, Wayne Newton, Tanya Tucker, Willie Nelson, Mick Fleetwood et beaucoup d'autres. Sur son deuxième album solo en 1980, Ray Kennedy reprit le titre qu'il avait écrit pour les Babies, Isn't It Time, et composa le titre You Oughta To Know By Now, autrement dit Le Survivant C'est Johnny en 1982, sur l'album La Peur, adapté en français par Long Chris. Étranglé, étouffé par les larmes froides de l'asphyxie. Oui, j'ai vécu sans amour, caché dans les bras de la folie. Entraînant le char des condamnés, écrasant les corps. ceux qui sont tombés. Bien sûr, le survivant. En 2018, le groupe américain de heavy metal féminin Vixen fit une reprise du titre de Ray Kennedy sur leur album Rare Vintage avec des couplets différents. Lors de son passage au Palais des Sports en 1982, Johnny reprit ce titre en live. Éventré, déchiré, bloqué entre les doigts de l'éclair. Et j'ai brisé, arraché, la pluie dans ses plantes est en ma chair. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission de Johnny Covers. Et comme d'habitude, rendez-vous le mercredi de 22h à minuit sur RIG pour l'émission Johnny de A à Z. A bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you're doing to me? Oh, when you don't believe a word I'm saying, we can't go on together. A suspicious mind, and we can't build our dreams on suspicious mind. Suspicious Mind est une chanson de 1968 écrite et enregistrée pour la première fois par l'auteur-compositeur américain Mark James. Après l'échec commercial de cet enregistrement, elle a été remise à Elvis Presley par le producteur Chips Moman, devenant ainsi une chanson numéro 1 en 1969 et l'un des succès les plus remarquables de la carrière de Presley. C'était son 18e et dernier single numéro 1 aux États-Unis. Et le magazine Rolling Stone l'a classé numéro 91 sur leur liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. We can't go on together with suspicious mind. And we can't build our dream on suspicious mind. L'auteur-compositeur né au Texas, Mark James, s'est fait connaître pour la première fois en écrivant Hooked on a Feeling, un succès pour B.J. Thomas en 1969. Écrite par Mark James, Suspicious Mind a été enregistrée et publiée pour la première fois par Mark James sur Scepter Records en 1968, mais le label n'avait pas assez d'argent pour promouvoir de nouveaux artistes et la chanson ne figurera pas dans les charts. Suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds. En 1969, après son special comeback de 68, Elvis préparait l'album From Elvis to Memphis à l'American Sound Studio, créé par les producteurs Chips Moman et Don Crew à Memphis, Tennessee. Sachant que Elvis avait besoin de chansons, Mark James et son équipe décidèrent de lui faire écouter ce titre. Après écoute, Elvis décida d'en faire un hit. Suspicious Mind est le produit d'une session du 23 janvier 1969 qui a eu lieu entre 4h et 7h du matin. La production de la chanson a failli être sabordée en raison d'un différend sur le droit d'auteur. Les hommes d'affaires d'Elvis ont déclaré qu'ils voulaient la moitié des droits d'édition du producteur Chips Moman. Moman les a accusés de vol et a menacé d'arrêter la session d'enregistrement. Harry Jenkins de RCA était d'accord avec Moman parce qu'il sentait bien que la chanson serait un grand succès et qu'il y aurait beaucoup à gagner. Le producteur du personnel de RCA, Felton Jarvis, a pris la décision inhabituelle d'ajouter un fondu à la chanson à partir de 3 minutes 36 et d'une durée de près de 15 secondes et de revenir sur le refrain. On écoute. Dans une interview en 2012 avec Mark Myers du Wall Street Journal, Moman a révélé que Jarvis n'était jamais content de l'enregistrement d'Elvis à l'American Sound Studio, en disant « c'était une prise de contrôle ». Moman a ajouté « alors que Jarvis a pris la cassette de Suspicious Mind, il a ajouté ce fondu fou de 15 secondes vers la fin, comme si la chanson se terminait. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a tout gâché. C'était comme une cicatrice dans la chanson, une cicatrice pas trop appréciée. Peu importe, peu de temps après la sortie de la chanson, Elvis était de retour au sommet des charts. En plus des succès écrits pour Presley, Moody Blue, It's Only Love, Raised on Rock, Mark James a co-écrit le classique Always on My Mind, également enregistré par Elvis. You were always on my mind. Plus de 200 versions de Suspicious Mind. Parmi elles, on retrouve la version des Fanion Cannibals sur leur premier album éponyme en 1985. Et pour s'amuser, voici quelques adaptations étrangères, allemandes, italiennes. Arm is de man die is beroofd van zijn partner in de zonde. Mijn hart door achterdocht verdoofd, bloed uit 1000 wonden. Ultimo tango a Memphis, non c'è chi non va più via, non va più via. Pensi di avermi pensi, senza averne un. Et en France, l'adaptation est signée Michel Mallory sur l'album de Johnny Hallyday, Insolitude de 1973, avec une histoire que Johnny nous racontait sur RTL. On va passer à la dernière chanson de cette première phase qui s'appelle Soupçon, qui est une adaptation de Elvis Presley. Oui, justement, j'en parlais tout à l'heure, la fameuse bande qui a été perdue pendant 4 mois. Ça s'est passé parce que j'avais fait une version à Londres. J'ai commencé à chanter à 5h du matin et je n'étais pas prêt à faire ni du mixage, ni de la voix que j'avais fait dessus. Alors, de retour à Paris, j'ai demandé à ce qu'on me renvoie les bandes, parce qu'il n'y avait plus de studio, pour que je puisse la refaire à Paris. Alors, on me l'a envoyé une première fois, et puis à Londres, à l'Olympique Studio, ils se sont trompés, et ils m'ont envoyé uniquement les basses rythmiques, c'est-à-dire sans les violons, sans les chœurs. Alors, on n'a pas pu l'enregistrer, j'ai redemandé qu'on me renvoie le playback complet. Et à la douane, quand ils ont vu pour la deuxième fois passer le titre Soupçon, ils ont eu des soupçons. Donc, soupçonnés comme ils ont gardé la bande et personne ne savait où elle était. Et ça a duré 4 mois, cette petite histoire. C'est pour ça que mon disque ne sort que maintenant. Moi, ça aurait été drôle d'entendre un douanier chanter là-dessus. Oui, ça aurait été pas mal, oui. Petit à petit, et sans faire de bruit, une onde s'est glissée entre nous. Après tant d'amour et après tant de nuits, un doute est venu pour tout briser. fait mourir les rêves avec des soupçons. Et un amour s'achève avec des soupçons. Ainsi s'achève cet épisode de Johnny Covers. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. On se retrouve également tous les mercredis de 22h à minuit sur l'antenne de RIG pour l'émission Johnny de A à Z. A bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao. On se dit des mots qui sont le faux. On ment du cœur, on ment des lèvres. On fait mourir les rêves avec des soupçons. Et un amour s'achève avec des soupçons. Salut à tous, bienvenue pour le nouvel épisode de Johnny Covers. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange ma vie. Et l'enfer, on devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Oui, moi j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. The King is Dead est une chanson écrite et enregistrée à l'origine par le chanteur et compositeur australien Tony Cole. Produit par David McKay, il faisait partie du premier album de Tony Cole, If the Music Stops, en 1972. Cette année-là, la chanson est également sortie en single avec Ruby sur la face B. The King is Dead est le deuxième single sorti du premier album de Tony Cole et le magazine américain Billboard a choisi le single pour sa section Radio Action and Pick Singles. L'avis de la rédaction a été, le deuxième single de son album est une ballade rythmique commerciale plus entraînante, chargée du potentiel du top 40. Néanmoins, la chanson ne figurera ni dans les charts US Billboard, ni dans les UK Singles Charts. Oh me, oh my. Girl, I can't see my reflection in your eyes. The king is dead, long live the king, good luck to him who sits on your throne. Cause you call a tune, and he'll have to play the pipe. Quatre ans plus tard, on raconte que Johnny Hallyday accepte sans grande conviction de reprendre cette chanson anglaise. La chanson est adaptée en français sous le titre « Gabriel » par Long Chris et Patrick Larue. Sa version, extraite de l'album « Derrière l'amour », sortie en single en 1976 et passa 3 semaines consécutives dans le palmarès des ventes de singles en France du 16 septembre au 6 octobre et a été vendue à plus de 500 000 exemplaires. Oh, fini, fini pour moi. Celui qui veut ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Et j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Sur le livre Johnny en chanson, Jean-William Toury écrivait « La version de Tony Cole ne parut qu'après celle de Johnny Hallyday ». Voici la version de Long Chris, coparolier de la version française, lors d'une interview donnée à Jean pour son émission sur Hallyday, au cœur de Johnny, sur Radio Web Passion. J'étais, nous étions sur les Champs-Élysées avec Johnny. Nous avions été voir un film, Le Locataire de Polanski. en sortant du... au Gaumont, sur les Champs-Élysées. En sortant du Gaumont, à gauche, il y a la rue Marbeuf, ou les petites rues à gauche, là, rue des Champs-Élysées. Et Johnny me dit, ah, il faut que j'appelle Jacques Revaux, son éditeur, un de ses éditeurs, parce qu'il a une chanson pour moi, on va passer, c'est à côté. Et il rentre dans une cabine téléphonique, parce qu'il n'y avait pas de portable, et il me dit, bon, c'est d'accord, Jacques nous attend. On rentre dans le bureau de Jacques Revaux, et Jacques nous dit, j'ai une chanson qui n'est pas un rock, qui n'est pas un twist, qui n'est pas un slow, mais c'est un truc, c'est bizarre, écoute-le. Moi, j'aime beaucoup, dit Jacques Revaux, écoute. Alors, je n'ai été là, moi j'étais à droite, et on écoute. Et ce qu'on écoute, c'est un disque, il n'y a pas de parole, c'est, on disait un démo ou un souple. Et un souple, c'est un disque de travail en aluminium avec une couche de cire, c'est tout. Et c'est un Australien qui a écrit cette parole et musique, mais il commençait avec son rythme à la 12 cordes, ta-ta-ta-ta-ta, vous savez, on connaît maintenant, on l'a bien dans l'oreille, et il chantait Gabriel, ta-na-na-na-na, des onomatopées, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Alors donc, pas de texte. Et le Gabriel revenait souvent. Alors Johnny dit, mais pourquoi Gabriel, qu'est-ce qu'il entend par là? Gabriel, c'est un prénom de garçon, de fille. C'est aussi l'ange, en tout cas. Il me dit, ouais, Gabriel, c'est un prénom de fille. Alors Johnny dit, mais ça me plaît. C'est pas mal, c'est curieux, on va essayer de faire un truc. Tu vas faire les paroles, me dit-il. Qu'est-ce que tu veux comme parole? Il me dit, écoute, je sais pas, faut trouver un truc, mais... je sais une chose, c'est quand on donne un prénom féminin à une chanson, ça marche toujours. Je lui dis, beaucoup de Gabriel, version féminine, on garde le nom de la fille, Gabriel. Il dit, on garde le nom de la fille. Parce que ça marche toujours avec un prénom féminin. Et vous connaissez la suite. La chanson The King is Dead était simplement libre de droit. Magnificently Mad, paru sur l'album éponyme de Tony Cole en 1973, fut adapté par George Abert en 1983 sous le titre L'amour violent sur l'album Entre violence et violence. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Johnny Covers. Oui, Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu blasses mon sang. Moi je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Si moi j'ai refusé, et n'oublions pas non plus l'émission du mercredi soir Johnny de A à Z sur RIG de 22h à minuit. Oh oui, moi j'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. A bientôt à toutes et à tous, ciao ciao. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z. Je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé et participé à cette émission. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine, le 6 janvier, pour une nouvelle émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.